Marcel, venez. Les cours du Collège de France, Antoine Compagnon. Étude, essai, roman. Étude, roman, essai. Vous avez vu cet homme ? Proust, essayiste. Vous voici conviés cet été au cours du Collège de France, auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, en compagnie d'Antoine Compagnon. Meryl Moneghetti. Qu'est-ce que la particule des démocraties ? Quelle peut être l'archéologie de la formule « À mon âge, monsieur, on ne lit plus, on relit ». Et quel est son cheminement de Royer-Collard à la version de Proust, s'interroge Antoine Compagnon. Titulaire de la chaire Littérature française moderne et contemporaine, Antoine Compagnon nous propose sur 12 cours une grande enquête autour de Proust essayiste, des notes préparatoires au roman À la recherche du temps perdu, en passant par le fameux Contre Sainte-Beuve. Pour ce cours de clôture provisoire sur 2 heures, avant la diffusion des séminaires, à partir de samedi prochain, nous retrouvons une galerie de personnages caractérisés par leur esprit et leurs bons mots et les querelles héritées de la période orléaniste quand les écrivains politiques, hommes du monde, un Molé, un Royer-Collard, s'opposaient aux gens de lettres, les Hugo, les Vigny. Nous suivons la circulation du bon mot « À mon âge, on relit » des salons du XIXe siècle au roman de Proust « À la recherche du temps perdu ». En ouverture de sa série, Antoine Compagnon avait annoncé la présence d'un Proust linguiste et sociologue. C'est cette part de l'écrivain qui émerge avec l'analyse de l'opposition des noms à particules de la vieille aristocratie à celle des noms à traits d'union de la bourgeoisie montante ou parvenue. Alors comment la remarque sur le trait d'union dans une lettre à Madame de Brandt renferme-t-elle toute une sociologie qui traverse la recherche ? Qui était le spirituel Doudan au XIXe siècle, modèle ou contre-modèle ? Nous gagnons le Collège de France pour le cours d'Antoine Compagnon le 2 avril 2019. Aujourd'hui, à mon âge, on relit. Pendant 12 heures, j'aurais parlé de Proust essayiste, c'est-à-dire des rapports compliqués de Proust et du savoir, de Proust et de l'érudition, du chemin difficile que Proust cherche entre la position du philologue, qu'il désapprouve, et celle du journaliste, qu'il désapprouve également. J'avais annoncé qu'un jour je parlerais de Musil et de l'essayisme selon Musil. Eh bien, ça n'aura pas lieu, puisque le temps ne le permettra pas. Mais je vais tout de suite à une citation de Musil que je voulais vous donner en conclusion. L'essayiste passe pour une espèce de fumiste aux yeux des savants et nourrit sa substance de ce qu'ils tiennent pour leurs propres déchets, tandis qu'il passe généralement aux yeux des créateurs pour une sorte de bâtard. Entre le fumiste et le bâtard, c'est le chemin que cherche Proust à tracer entre l'homme de lettres et l'homme du monde. La semaine dernière, je vous parlais de cette notion de tact littéraire, de tact mondain également, si indispensable. Et comme je le fais le plus souvent, je voudrais repartir aujourd'hui d'une petite chose, d'un petit détail, puisque c'est souvent ce que j'ai fait dans ce cours. Je dirais une mousse, une petite mousse, et voir où cela peut nous mener. Je partirai d'une lettre qui nous montre à la fois combien Proust est au courant des savoirs, des lectures, de la culture. On ne sait jamais très bien comment, si c'est par une tradition orale, par une tradition familiale ou par des lectures, et ce qu'il en fait. Cette lettre, elle est adressée à Madame de Brandt, aristocrate, la tante de Robert de Montesquieu, et il se trouve qu'elle nous reconduit à Royer-Collard, dont j'ai parlé à différentes reprises et qui est un personnage qui m'a, j'ai envie de dire, toujours fasciné et qui est au fond de cette culture de Proust. C'est une référence importante et pour Sainte-Beuve et pour Proust, et on l'a déjà rencontré à différentes reprises. La lettre date du 1er septembre 1897. Proust est à Creuznach avec sa mère, en villégiature, et ce sera l'occasion de fureter à partir d'un mot, curieux de là où ça nous mènera, et des prises que nous trouverons au passage. Voici le passage de la lettre. Quant aux mots, à mon âge on relit, je suppose qu'ils en ont parlé avant que Proust parte à Creuznach ou qu'ils ont écrit à ce sujet, il n'est pas de « ces fleuris » mais d'un autre de ces noms à trait d'union, ce qui vous a trompé. Vous savez, France dit si spirituellement ce trait d'union, cette particule des démocraties. Mais de Royer Collard. Joli mot aujourd'hui auquel le temps a donné tout son prix en jetant l'oubli sur les circonstances qui le provoquèrent. Il fut prononcé au contraire dans un accès de colère boudeuse, d'entêtement sectaire et étroit, qui n'est pas des plus sympathiques. Vigny, se présentant à l'Académie française, on en parlait la semaine dernière, alla faire la visite obligée à Royer Collard. Il fut reçu de la façon la plus hargneuse et finit par se fâcher et demander à Royer Collard s'il avait jamais lu ses livres. « À mon âge, monsieur, on ne lit plus, on relit. » fut la réponse qu'il put tirer de ce vieillard amer. On dirait que la lettre de Proust est elle-même un peu cuistre. Cette mise au point du jeune homme non titré à cette grande dame, jeune homme de 26 ans, à cet aristocrate de 55 ans. Pour C. Fleury, l'excellent Philippe Kolb, je ne veux jamais dire rien contre Philippe Kolb, l'éditeur de la correspondance de Proust, éditeur considérable, mais il dit en note Champfleury, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Au vu du commentaire sur le trait d'union, Champfleury n'a jamais pris de trait d'union. C'est le pseudonyme de Jules-François Husson, et il a été question de lui dans mes cours précédents. Champfleury, c'est l'inventeur du réalisme, le promoteur du réalisme que voici caricaturé par Nadar, vous vous souvenez, en chiffonnier. Belle, j'en ai parlé à propos du chiffonnier, et vous avez pu revoir cette belle caricature à l'exposition Nadar de la Bibliothèque nationale de France qui vient de se terminer. Non, je ne pense pas qu'il s'agisse de Champfleury. Je ne sais pas, Françoise Le Riche est là, qui fait la nouvelle édition de la correspondance de Proust électronique, changera la note. Il s'agit évidemment de Cuvillier-Fleury. Cuvillier-Fleury et non Champfleury, Alfred Auguste, critique littéraire très en vue au journal des débats, après avoir été le secrétaire de Louis Bonaparte, ancien roi de Hollande, puis le précepteur du duc d'Aumale, bien sûr de l'Académie française, et l'ennemi juré de Sainte-Beuve. Sainte-Beuve le maltraite à tout propos dans ses cahiers, par exemple ceci que j'ai peut-être cité l'an dernier dans le cours sur les duels littéraires, Cuvillier-Fleury, une certaine ignobilité de visage et d'esprit. Il a le visage et peut-être l'esprit d'un laquais, ou du moins d'un cuistre. Il ne peut marcher sans une citation. Vous voyez que les rapports entre lui et Sainte-Beuve n'étaient pas très bons. Et en effet, c'est Cuvillier-Fleury qui a écrit l'article contre Sainte-Beuve lorsque Sainte-Beuve s'est rallié au Second Empire, le fameux article intitulé « Regret » en 1852. C'est Cuvillier-Fleury qui a été chargé par les orléanistes de descendre Sainte-Beuve. Il y a un journal intime de Cuvillier-Fleury, très intéressant, préfacé par le duc d'Aumale. Proust ne le mentionne jamais, ni dans son roman, ni dans les lettres que nous connaissons, mais il sait très bien ce que représente Cuvillier-Fleury, et politiquement, c'est l'orléanisme pur, et littérairement, l'académisme. Il le cite dans un brouillon, c'est dans le cahier 4, où ce sont les deux sœurs de la grand-mère qui interrompent les anecdotes de Swann lors du dîner de Combray, au tout début de Combray. Elles sont ennuyées, le grand-père fait parler Swann sur la société du duc de Breuil qu'il fréquente, et il est sans cesse interrompu, Swann, par les deux tantes, et dans ce brouillon, vous pouvez lire ceci, une anecdote sur la société du duc de Breuil leur paraissait si ennuyeuse qu'elles interrompaient immédiatement pour dire qu'elles avaient rencontré une jeune Suédoise pauvre qui leur avait donné sur l'organisation des sociétés coopératives dans son pays des détails, tout ce qu'il y a de plus intéressant, ou un vieux monsieur qui avait parfaitement bien connu, nourri, Dupré, Cuvier Fleury, et qui était également tout ce qu'il y a de plus intéressant. Cuvier Fleury ramenait donc à ce bavardage qui empêche Swann de parler de ce qui intéresse le grand-père. D'abord, quelques mots sur cette particule des démocraties dont il est question dans cette lettre. Dans la même lettre à Madame de Brantes, Proust lui annonce la parution de la suite de L'Orme du Mail. L'Orme du Mail, c'est le premier volume de l'histoire contemporaine d'Anatole France. Et il lui dit que le prochain volume s'appellera Le mannequin d'osier, qui paraîtra dans les mois suivants. En effet, dans Le mannequin d'osier, il y a un personnage, tout le monde a lu, le mannequin d'osier, personnage qui s'appelle Worms Clavelin, le préfet Worms Clavelin, qui est en effet l'incarnation de cette nouvelle France, la France républicaine, franc-maçonne, qui est portée par ses noms en particules et qui s'oppose à la vieille aristocratie. Je cite le mannequin d'osier, « Et monsieur le préfet Worms Clavelin, lui-même si peu fanatique, tenait le général Cartier de Chalmeau pour dangereux. » Le général Cartier de Chalmeau, avec sa particule aristocratique, c'est la vieille France. Worms Clavelin, c'est la nouvelle France. Il y a une opposition tout à fait caractéristique entre particule et trait d'union pour désigner les deux Frances. Mais je ne crois pas que la formule soit d'Anatole France. En tout cas, on ne la trouve pas chez lui. Et voici ce qu'on trouve dans la presse contemporaine, dans la vie parisienne, dans les mêmes mois. C'est les anecdotes parisiennes. Récemment, au cours d'un rapport, un conseiller d'État, parlant d'un de ces Worms Clavelin dont M. Anatole France vient d'immortaliser le type, disait « le trait d'union ». Cette particule des démocraties. Ce n'est donc pas Anatole France, mais un conseiller d'État faisant allusion à Anatole France. Et de manière très intéressante, le terme est repris dans un article de Léon Blum, article anonyme de la Revue Blanche en 1898. C'est un article sur les lois contre le terrorisme, les lois scélérates suscité par le terrorisme à Paris dans les années 93-94. C'est un article non signé d'Anatole France, puisqu'il est au Conseil d'État, il ne signe pas, il signe un juriste. L'article est intitulé « Comment ont été faites les lois scélérates ?» Et voici le passage. C'est alors que la brutalité commença. Au début de la séance du 23 juillet 1894, pour ces lois scélérates, M. Charles Dupuis, qui ne portait pas encore le trait d'union, cette particule des démocraties. Alors, on songe évidemment à tous ces hommes politiques de la Troisième République qui avaient introduit le trait d'union dans leur nom. Charles Dupuis, lorsqu'il est président du Conseil, succède à Casimir Perier. La famille prend le trait d'union depuis la mort de Casimir Perier, le premier. Et Casimir Perier lui succédera d'ailleurs. On songe évidemment à Félix Faure. Ces traits d'union se répandent chez les nouvelles couches qui prennent le pouvoir. Proust est très sensible à cette dimension sociologique de l'onomastique contemporaine. Vous vous souvenez du double N des Simonet, hein, la famille Simonet qui est très fière de son double N. Même ce nom de Simonet que j'avais déjà entendu sur la plage, si on m'avait demandé de l'écrire, je l'aurais orthographié avec deux N, ne me doutant pas de l'importance que cette famille attachait à n'en posséder qu'un seul. Au fur et à mesure que l'on descend dans l'échelle sociale, le snobisme s'accroche à des riens qui ne sont peut-être pas plus nuls que les distinctions de l'aristocratie, mais qui, plus obscurs, plus particuliers à chacun, surprenant davantage. Il y a beaucoup de réflexions chez Proust sur l'onomastique et notamment sur le trait d'union. En voici une dans Sodome et Gomorre. Un jour, à l'enterrement d'un guermante, un homme remarquable placé à côté de moi me montra un monsieur élancé et pourvu d'une jolie figure. De tous les guermantes, me dit mon voisin, celui-là est le plus inouï, le plus singulier. C'est le frère du duc. Je lui répondis imprudemment qu'il se trompait, que ce monsieur, sans parenté aucune avec les guermantes, s'appelait Fournier Sarlevèze. L'homme remarquable me tourna le dos et ne m'a plus jamais salué depuis. Et qu'on est très sensible à la distinction du trait d'union et de la particule. Et il faudrait citer tous les pataquès des Verdurin dans l'utilisation de la particule, comme celui-ci. Quand tous les invités furent partis, Madame Verdurin dit à son mari « As-tu remarqué comme Swann a ri d'un rire niais quand nous avons parlé de Madame Latrémoille ?» Elle avait remarqué que devant ce nom, Swann et Forcheville avaient plusieurs fois supprimé la particule, ne doutant pas que ce fût pour montrer qu'ils n'étaient pas intimidés par les titres, elle souhaitait d'imiter leur fierté, mais n'avait pas bien saisi par quelle forme grammaticale elle se traduisait. Aussi, sa vicieuse façon de parler l'emportant sur son intransigeance républicaine, elle disait encore « les deux Latrémoille » ou plutôt avec une abréviation en usage dans les paroles des chansons de café-concert et les légendes des caricaturistes et qu'il dissimulait le « deux », les de Latrémoille. Mais elle se rattrapait en disant « Madame Latrémoille ». Bon, c'est constant dans la recherche du temps perdu et ça affecte bien sûr les mollets. Vous vous souvenez qu'il y a une comtesse mollet hein, dans la recherche du temps perdu et Madame Verdurin dit Madame de Mollet puisqu'elle pense qu'elle a droit à la particule. Et qu'il y a là, dans cet échange entre le jeune Proust et l'aristocrate, je dirais toute une sociologie des noms propres. Quant au l'autre mot qui est au cœur de cette lettre, à mon âge, monsieur, on ne lit plus, on relit. Je voudrais y revenir. Bon, non seulement parce que cet âge, je crois que nous sommes nombreux à l'avoir atteint, et cet âge où l'on relit plus qu'on ne lit, et puis aussi parce que ce mot est souvent reproduit sans attribution. Et je vous disais que j'étais toujours curieux de Royer-Collard. C'est cet homme assez souterrain. Hein. C'est un homme qui traverse tout le siècle jusqu'à Proust. Hein. Doctrinaire, janséniste, censément le meilleur orateur parlementaire de la Restauration et de la Monarchie de Juillet, très admiré de Sainte-Beuve. Hein. Sainte-Beuve dit de lui « Monsieur Royer-Collard était caustique et emporte-pièce. Il avait élevé l'insolence jusqu'à la majesté. Hein » Un peu à la Charlus. Monsieur Royer-Collard avait un nez, un menton, un sourcil si prononcé que c'était drôle par moments. Il avait presque une trogne, bien perçue par Daumier. Au moral, également. Ou encore, voici ce que disait Sainte-Beuve, « Il avait de ses insolences superbes. En cela, il obéissait surtout à sa tournure d'esprit et à sa verve irrésistible très épigrammatique et sarcastique, sous forme hautaine. Un jour à la Chambre, dans un groupe où il était, il avait dit un mot contre la popularité. Monsieur Mauguin, qui était présent, lui dit de cet air riant « Mais vous-même, monsieur Royer-Collard, vous avez eu votre moment de popularité ?»« De la popularité, répliqua le terrible rabroueur. J'espère que non, monsieur, mais peut-être un peu de considération. » Et chaque syllabe était accentuée avec lenteur, etc. C'est donc lui, l'auteur de cet « À mon âge, monsieur, on ne lit plus, on relit ». Et Philippe Kolb pense que la formule vient de Sainte-Beuve, là encore. Et je ne suis pas tout à fait sûr non plus. Il renvoie en note à un passage de l'histoire de la Restauration de Vielle-Castel. J'en ai déjà parlé, j'ai parlé du chapitre sur Royer-Collard où Sainte-Beuve imagine cette statue à double face, Royer-Collard et Danton, comme Aristophane et Sophocle. Et voici ce que dit Sainte-Beuve dans ce petit chapitre sur Royer-Collard. « C'est lui qui a un célèbre candidat pour l'Académie, qui s'étonnait d'apprendre de sa bouche qu'il n'eût pas lu ses ouvrages, fit cette réponse qui a couru et qui court encore, « Je ne lis pas, monsieur, je relis. » Et puis, une fois que Vigny sera mort, Sainte-Beuve ajoute cette note dans le volume, le comte Alfred de Vigny, note qui ne figurait, bien entendu, pas dans l'article. En fait, Sainte-Beuve revient souvent à cet épisode et il le raconte, il est très célèbre, cet épisode, il le raconte beaucoup plus longuement dans les notes et pensées qui terminent le tome 11 des causeries du lundi, ce qui alimente toutes les anecdotes que Proust connaît parfaitement. Et là, il entre dans beaucoup plus de détails, et je vais sauter des passages, mais il dit « À propos de la candidature académique de M. de Vigny, on a beaucoup parlé aussi de la réception que lui fit M. Royer-Collard. » J'ai parlé de cette réception la semaine dernière, et de la manière dont Mollet l'avait traité. Je suis à même de dire ce qui en est, monsieur Royer-Collard, m'en ayant parlé un jour et m'ayant raconté comment les choses s'étaient passées. Il se présenta un matin chez monsieur Royer-Collard, qui se trouvait en ce moment dans son cabinet en conversation ou en conférence avec messieurs Decazes et Mollet. Ce sont justement ceux dont le grand-père voudrait tous les renseignements par Swann. C'est toujours les mêmes. Monsieur de Vigny, à qui on le dit, n'insista pas moins pour qu'on fît passer sa carte, assurant que sur le simple vu de son nom, il serait reçu. Monsieur Royer-Collard sortit de son cabinet un peu contrarié et vint trouver Monsieur de Vigny dans l'antichambre ou la salle à manger pour s'excuser de ne pouvoir le recevoir en ce moment. Le colloque suivant s'engagea à peu près dans ces termes. « Mais je suis Monsieur de Vigny, monsieur. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. » Je me présente pour l'Académie. Je suis l'auteur de plusieurs ouvrages dramatiques représentés. Monsieur, je ne vais jamais au théâtre. Mais j'ai fait plusieurs ouvrages qui ont eu quelques succès et que vous avez pu lire. Je ne lis plus, monsieur. Je relis. En me racontant la chose à peu près en ces termes, monsieur Royer-Collard m'exprimait, je dois le dire, son regret d'avoir été si rude avec un homme de talent, etc. Et le passage se poursuit assez longtemps en bafouant Vigny, dont Sainte-Beuve dit « Je n'ai jamais conçu la nécessité que l'esprit, le talent, même le génie, fussent refaitus et comme enduits d'une légère couche luisante de sottise. » Cette confiance en soi de Vigny. Alors, en fait, Royer-Collard n'était pas le seul à se comporter de cette façon avec les candidats à l'Académie. Il y a un mot dans les cahiers de Sainte-Beuve à peu près semblable de Thiers qui disait « Leurs ouvrages, je ne les lis pas, leurs personnes me sont indifférentes » au moment de les recevoir. Mais vous aurez remarqué que les versions de Sainte-Beuve ne correspondent pas à la version de Proust, qui est au fond plus intéressante, puisque Sainte-Beuve, chaque fois, utilise la première personne. C'est une narration. « Je ne lis plus, monsieur, je relis. » alors que la formule de Proust avait la forme d'une sentence. À mon âge, monsieur, on ne lit plus, on relit. Et la version de Vigny, puisque elle est là, dans son journal d'un poète, hein, c'est qui a tant choqué Sainte-Beuve, elle est intéressante puisque elle va nous mettre sur une autre piste. Oui, monsieur, je ne lis rien de ce qui s'écrit depuis 30 ans. Je l'ai déjà dit à un autre. Il voulait parler de Victor Hugo. Dès lors, monsieur, comment pouvez-vous donner votre voix si ce n'est d'après l'opinion d'un autre ? Je la donne, etc. Mais nous découvrons ici que la formule a en effet été utilisée au moins deux fois et que c'était d'abord Hugo qui avait été reçu de la sorte, le premier destinataire, selon une tradition qui est peut-être plus solide, puisqu'on trouvera dans les récits, en effet, la troisième personne. La voici, dans un livre sur Hugo. Royer-Collard avait voté pour Hugo, c'était au moins la deuxième fois. Aussi s'étonne-t-on de lire dans une lettre datée du 1er avril 1840 et adressée par M. Xavier Doudan, hugophobe et potinier, à Mme la baronne de Staël, on a causé de l'Institut de M. Royer-Collard qui disait à M. Victor Hugo, venant de lui demander sa voix, « Monsieur, on ne lit plus à mon âge, on relit. » Avec la note, Xavier Doudan, Mélanges et lettres, tome 3, page 58. C'est dans un livre du début du XXe siècle sur Hugo. Et c'est ça qui m'a mis sur la piste de ce Doudan, auquel, je crois, aucun Proustien ne s'est jamais intéressé, et qui est pourtant cité à plusieurs reprises dans La recherche du temps perdu. Je l'ai cité dans les dernières semaines sans m'être encore beaucoup intéressé à lui. Et vous allez voir pourquoi, je l'espère, c'est un personnage intéressant, puisque je crois, c'est un peu ce que je voudrais vous montrer, mais je peux déjà vous l'annoncer, qu'il est un peu le prototype du célibataire de l'art, auquel Proust prête tellement attention, puisque c'est ce qu'il faut à tout prix éviter, de rester un célibataire de l'art. Il est devenu à ce point inconnu qu'ici on l'appelle Xavier, parce qu'il signe X Doudan, et qu'on a oublié qu'il s'appelait Jiménez. Étrange prénom pour un petit bourgeois français, Jiménez Doudan. Et voilà la lettre de cet Jiménez Doudan qui est citée dans ce passage, dans les lettres de Doudan, publiées après sa mort par son meilleur ami, qui n'était autre que Cuvier Fleury, dont il était question tout à l'heure. Voici la lettre. Nous avons dîné chez Madame Duparquet avec Monsieur Lebrun. De quoi avons-nous parlé ? Mais en vérité, pas beaucoup de politique. La vivacité des derniers jours a laissé une grande fatigue. On a causé de l'Institut, de M. Royer-Collard, qui disait à M. Victor Hugo, venant lui demander sa voix, « Monsieur, on ne lit plus à mon âge, on relit. » Du mérite de M. Cousin comme écrivain, M. de Breuil et Albert, le tenant pour un peu parent des grands prosateurs du XVIIe siècle, vous pensez bien que M. Villemain n'a pu être oublié après ce nom de cousin. Ce sont comme les Siamois de la gloire. Puis est venu l'éloge de M. Pasquier, comme homme littéraire et instruit. J'ai demandé pour lui une place à l'Académie française. Alors vint un éloge de M. Mollet par M. Lebrun. Vous savez toutes mes nouvelles littéraires. Nous trouvons là la liste de tous les noms propres que Mme de Villeparisis cite constamment dans cette lettre du milieu Breuil. Lebrun, sur lequel je reviendrai, que plusieurs fois cité dans la recherche, cousin Villemain, bien sûr, Pasquier, qui sera élu à l'Académie française en 1842, Mollé, qui vient d'être élu en 1840. Et cette lettre est du 1er avril 1840. Proust cite donc l'anecdote dans les termes exacts de cette lettre relative à Victor Hugo et non à Vigny, mais en y associant Vigny, avec la frappe de la formule, hein, la frappe de la sentence. Le Collège de France et France Culture vous présente Antoine Compagnon, Proust essayiste. Aujourd'hui, à mon âge, on relit. Or, qui était ce Doudan ? Il figure dans La recherche du temps perdu, mais je crois qu'on ne s'est jamais beaucoup intéressé à lui, disais-je. Madame de Villeparisis, dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs, l'oppose aux écrivains mal élevés, ces écrivains malotrus qui ne savent pas se tenir en société. Elle oppose à ces écrivains une société pareille à celle où l'on vit fleurir l'esprit d'un Doudan, d'un monsieur de Rémusat, pour ne pas dire d'une Beausergent, d'un Joubert, d'une Sévigné. Le voilà en tête d'une magnifique série. Rémusat, Beausergent. Beausergent, c'est l'auteur de Mémoires imaginaires dans La recherche du temps perdu, Joubert et Sévigné. En tout cas, vous voyez qu'il est à la tête des hommes d'esprit opposés aux écrivains par Madame de Villeparisis. Et puis, beaucoup plus loin, dans le côté de Guermantes, dans La matinée chez Madame de Villeparisis, Madame de Villeparisis parle de Schlegel, Auguste Schlegel. Et elle dit « Je l'ai rencontré à Breuil, où ma tante Cordélia, Cordélia c'est la maréchale de Castellane, dont je parlais la semaine dernière, hein, Cordélia Greffeuil, hein, c'est la maîtresse de Mollé, de Chateaubriand et d'Horace Vernet, hein, où ma tante Cordélia m'avait amené, je me rappelle très bien que Monsieur Lebrun, Monsieur de Salvandy, Monsieur Doudan, le faisait parler sur les fleurs. Salvandy, Lebrun, Doudan. Vous retrouvez toujours les mêmes noms et les fleurs. J'essaierai de parler, si j'ai le temps, tout à l'heure de la botanique. Tous ces hommes d'esprit, en particulier les célibataires de l'art, sont des botanistes. Ils herborisent. J'avais jamais pensé à ça, je m'étais jamais rendu compte de cela, qu'il y avait un lien entre ce qui concerne le célibat de l'art dans La recherche du temps perdu, la peur du célibat de l'art, et la botanique, qu'on associe beaucoup plus directement à la sexualité à cause de Sodome et Gomorrhe 1. Mais il y a aussi tout un fil qui est lié au célibat. Donc, vous voyez qu'il est là, toujours en bonne compagnie, ce Doudan, Jiménez Doudan, né en 1800, mort en 1872. Comment s'est-il introduit dans ce milieu de la grande aristocratie française ? Les Breuil, les Haussonville, il a vécu chez eux toute sa vie. Eh bien, parce qu'il a été le précepteur du dernier fils de Madame de Staël, puis des enfants du duc de Breuil. Il faudrait parler des précepteurs. Là non plus, je ne m'étais pas rendu compte de l'importance des précepteurs dans le XIXe siècle et de ce lien qui était fait ainsi entre la petite bourgeoisie. Ben, on connaît le rouge et le noir, bien sûr, mais bien au-delà du rouge et le noir, à travers tout le siècle, le précepteur comme truchement entre la petite bourgeoisie et la grande aristocratie. Donc, il est précepteur du dernier fils de Madame de Staël, Louis-Alphonse Rocca, puis des enfants du duc de Breuil, le grand Albert de Breuil, qui sera le président du conseil de la crise du 16 mai 1877, hein, le représentant de l'ordre moral. Eh bien, Jiménez Doudan, précepteur des enfants du duc de Breuil, devient son chef de cabinet lorsqu'il est ministre sous la Restauration, chef de cabinet du duc de Breuil au ministère de l'Instruction publique en 1830, puis au ministère des Affaires étrangères de 1832 à 1836. Cheminement très intéressant. Le précepteur des enfants qui devient le chef du cabinet du père. Bon, c'est pas tout à fait le même destin dans Le Rouge et le Noir. Hein. Le précepteur devient amant de madame au lieu de devenir secrétaire de monsieur. Mais ce sont des trajectoires qui sont toutes les deux évidemment romanesques. Il est souvent question de Doudan chez Sainte-Beuve sous sa plume. Et lorsque Sainte-Beuve parle de ce Doudan, l'épithète est toujours la même, spirituel. Il est le spirituel Doudan. Ou encore, dit Sainte-Beuve, le spirituel est malin Doudan dans ses cahiers. L'épithète est inaliénable. L'aimable Doudan, le spirituel Doudan. Et c'est ainsi que nous retrouvons ce milieu, Cuvillier-Fleury, qui était donc son meilleur ami du temps de leur début difficile dans le quartier latin, début d'étudiant, donc dans les années 1820, c'est les illusions perdues, hein, c'est le quartier latin des illusions perdues. L'appartement où ils habitaient, c'était la rue des Sept Voies. La rue des Sept Voies, c'est la rue Valette. C'était là que logeaient tous ces jeunes gens, devenus précepteurs de l'aristocratie et parvenus de cette manière. Et c'est donc Cuvillier-Fleury qui sera l'éditeur de ces lettres posthumes, et il cite dans ses lettres posthumes le passage que voici. La formule qui est restée, c'est celle-là. « Ces esprits délicats, nés sublimes ». Le spirituel critique, hein, il parle de Chapelle, hein, c'est un article du Journal des débats. Chapelle, c'est un libertin du XVIIe siècle. Et Sainte-Beuve conteste cette comparaison qu'a fait le critique avec Joubert et Doudan. Le spirituel critique parle là de Chapelle comme il le ferait d'un monsieur de Tréville, d'un monsieur Joubert ou d'un Doudan, de ces esprits délicats, nés sublimes, nés du moins pour tout concevoir et à qui la force seule et la patience d'exécution ont manqué. Vous voyez, ce Doudan fait partie de cette petite tribu des hommes supérieurs qui n'ont pas laissé d'œuvre. Joubert, Tréville, qui est un janséniste, et à qui la seule force et la patience d'exécution ont manqué, tandis que Chapelle n'était qu'un paresseux trop souvent ivre, un homme de beaucoup d'esprit naturel, mais sans élévation et sans idéal. Et c'est précisément cet idéal trop haut placé qui décourage les autres, les suprêmes délicats. Voilà, il y a les suprêmes délicats. Hein. C'est cette petite classe des suprêmes délicats. En un mot, dans une classification, si elle est possible, des esprits, hein, c'est le Sainte-Beuve classificateur qui parle, Chapelle me paraît appartenir à une toute autre famille et à une famille moins noble. Vous voyez qu'on a là une série de noms. Tréville, Joubert, Doudan. Ces hommes supérieurs, trop délicats pour produire. Ces esprits distingués, modèles des célibataires de l'art. Et la formule que Sainte-Beuve met d'ailleurs entre guillemets, mais que Cuvillier-Fleury ne reconnaît pas, elle est empruntée justement à Joubert. Vous vous souvenez, Joubert, mort sans avoir rien publié, et dont Chateaubriand publiera les pensées. C'est ce que Sainte-Beuve appelait le rayon. Je parlais du rayon un jour, ce rayon de Sainte-Beuve projeté sur Joubert. Joubert qui écrivait « Les esprits délicats sont tous des esprits nés sublimes, mais qui n'ont pu prendre l'essor parce que ou des organes trop faibles, ou une santé trop variée, ou de trop molles habitudes ont retenu leur élan. » La formule de Sainte-Beuve, cette formule qui est attachée pour toujours à Doudan, esprit délicat, né sublime. C'est donc une formule de Joubert. Joubert et Doudan sont inséparables. Ce sont des hommes qui sont restés discrets de leur vivant et qui sont les auteurs d'œuvres posthumes recueillies par un ami. Chateaubriand dans le cas de Joubert, Cuvier-Fleury dans le cas de Doudan, et qui ont eu une célébrité d'un moment. Voici ce que Lemaître, dans Les Contemporains, donc à la fin du siècle, texte que Proust connaît bien, écrit. Joubert fut grand frôleur d'âme féminine. Vous voyez, ils ont ce tact que je qualifiais de féminin la semaine dernière. Il y a, avec Mesdames de Beaumont, de Guitaut, de Lévy, de Duras, de Vintimille, de ces commerces tendres et purs, plus caressants que l'amitié, plus calmes que l'amour. Il fut le Doudan alangui de deux ou trois petits salons aristocratiques qui se formèrent à Paris au commencement de l'Empire et où régnèrent avec l'ancienne politesse la religiosité la plus élégante. On y aimait avec mille grâces Dieu et Chateaubriand. Donc, comme Joubert est à l'ombre de Chateaubriand qui projette sur lui un rayon, Doudan est à l'ombre de ses amis qui ont publié et qui sont tous de l'Académie. La comparaison entre Joubert et Doudan est systématique pendant un moment, quelques décennies, ces décennies qui sont justement celles de Proust. Faguet, Victor Heger, Jean-Marie Guyot, qui était le professeur de Proust à la Sorbonne, cite Doudan, ou encore Lançon, dans son Histoire de la littérature française en 1894. Doudan, dit-il, est l'auteur des plus belles lettres de société du XIXe siècle et c'est un des meilleurs moralistes que nous ayons eu en ce siècle. Puis c'est fini. Doudan a été une comète qui est passée dans le ciel littéraire des années 1870 à 1910. Il est le modèle de ce thème majeur de l'essayisme chez Proust, celui de la procrastination. Au fond, il est, tous disent, il est le meilleur d'entre nous. Il est le meilleur d'entre nous, mais il n'a rien publié. Alors je reviens à cette lettre de Doudan du 1er avril 1840 qui raconte ce dîner chez Madame du Parquet. Madame du Parquet, c'est d'ailleurs elle qui éditera les lettres de Doudan après sa mort dans cette publication posthume. Vous voyez qu'il est tout le contraire de ceux que Sainte-Beuve appelait, et je le citais il y a quelques semaines, les stampomanes, les maniaques de la publication. Donc c'est après sa mort qu'il est publié. Et vous voyez que tous les noms ici sont familiers qui sont là, notamment celui de ce Lebrun. Lebrun, c'est vraiment un homme qui traverse tout le siècle. Là aussi, il est un peu oublié. C'est un poète qui est d'abord associé au romantisme, puis c'est bien sûr un orléaniste. Il dirige l'imprimerie royale de 1830 à 1848. Il est pair sous la Restauration et sénateur sous l'Empire. Il a tout traversé, tout réussi. Et Sainte-Beuve lui consacre deux articles. Ce que ça nous montre, c'est comment le mot s'est répandu au fond, à partir de ce Lebrun. Et le mot s'est très vite répandu, puisqu'on le voit dans la Revue de Paris, dans février 1840. Mon ami, bon, c'est dans une lettre d'un correspondant à la Revue de Paris. Mon ami, je vous répondrai volontiers comme l'honorable monsieur R.C. à un jeune poète qui lui demandait sa voix pour entrer à l'Académie et qui s'informait de lui s'il avait été content de certaines poésies. À mon âge, répondit monsieur R.C., on ne lit plus, on ne fait que relire. et dans la marge de l'exemplaire de la Bibliothèque nationale, on peut lire au crayon Royer-Collard, Avigny. Ce qui est une erreur, hein, puisqu'il s'agit à cette date des 840 de Hugo, pas de Vigny. Donc c'est une annotation intéressante, mais anachronique. On le sait, donc, Hugo a été élu à l'Académie le 7 janvier 1841, après deux échecs en 1836, un troisième échec le 20 février 1840. Et c'est donc à l'occasion de ce troisième échec que Royer-Collard lui a tenu ce mot célèbre. Vigny, lui, on l'a vu la semaine dernière, sera élu à l'Académie française en 1845 après sept échecs. Le premier et le deuxième le 17 février 1842, et c'est celui auquel est associé le mot de Royer-Collard. Cinq autres suivront le 4 mai 1842, le quatrième et cinquième le 8 février 1844, les sixième et septième le 14 mars 1844. Donc il aura fait élire lors de ces échecs Pasquier, justement, Ballanche, Patin, Saint-Marc-Girardin, Sainte-Beuve, Mérimée, qui sont toujours passés devant lui. Et enfin, on peut donc supposer, mais c'est ce qui est confirmé, c'est que Royer-Collard aurait dit ce mot à Hugo en février 1840, et puis à Vigny, deux ans plus tard, en février 1842. C'est un mot ailé, c'est un mot qui circule beaucoup, et le voici dans la notice qui suit la mort de Royer-Collard. C'est un mot célèbre, et à ce moment-là, il est encore associé à Victor Hugo. Monsieur Victor Hugo, lui, détailla un à un la longue liste de ses ouvrages. Royer-Collard répondit « Que voulez-vous, monsieur ? Je ne lis plus, je relis. » Mais, très curieusement, la tradition a associé le mot à Vigny. Pour longtemps. C'est lui qui l'emportera dans la tradition, même avant le journal d'un poète où il raconte l'histoire. Voilà, Jules Clarty, monsieur, interrompit Royer-Collard, à mon âge, on ne lit plus, on relit, en 1865. Et de manière très intéressante, c'est bien la formule de Proust. Et vous voyez que Proust n'emploie pas la formule de Sainte-Beuve. Sainte-Beuve qui est toujours à la première personne, mais la formule qui se transmet à partir de Doudan et qui se déplace de Hugo à Vigny. Et c'est celle-là qui circule au moment de Proust. Vous pouvez voir l'utilisation du mot « cravate autoritaire », ce qui, me semble-t-il, explique une énigme que je vous avais montrée il y a quelques semaines dans le carnet 1 sur ces cravates qui figuraient en marge du carnet 1 de Proust et qui me laissaient perplexe. Épingle de cravate, désir supérieur. J'ai trouvé à plusieurs reprises, j'en citerai une autre occurrence tout à l'heure, le mot cravate pour désigner cette sorte de superbe, d'insolence, de quant à soi du doctrinaire. Je voudrais continuer en traquant l'aimable Doudan ou le spirituel Doudan dans La recherche du temps perdu. Continuez donc de traquer cet anti-type, cet esprit délicat né sublime qui est vraiment le sceptique distingué, l'anti-modèle du narrateur proustien. Et je crois que on peut ainsi repérer l'importance de souterraine de ce précepteur devenu l'homme de compagnie d'une grande famille aristocrate, conversationniste distingué, essayiste en chambre. Et de la même façon, je voudrais repartir d'une mousse. C'est une note énigmatique du carnet 1. Une note énigmatique du carnet 1, au folio 27 recto. Salon Bénière, à propos de Sainte-Beuve. Monsieur de Breuil, qui a de l'esprit sous son mérite. Je dirais, si vous vous plaisez à retrouver une vieille édition, etc. Pourquoi cette expression de Sainte-Beuve intéresse-t-elle Proust? Alors on sait, on l'a déjà vu, que ces salons baignères, c'est là que Proust situe l'esprit malicieux de la conversation qu'il impute à Sainte-Beuve. Dans les salons baignères, comme chez Sainte-Beuve, on montre les ridicules. Et Proust a lu, donc, toujours dans les notes et pensées de Sainte-Beuve, à la fin du tome 11 des causeries du lundi, « Monsieur de Breuil, qui a de l'esprit sous son mérite, disait en parlant des chansons de Béranger, « C'est bien, c'est dommage que ce soit obscur. » Ou encore, « Il a su porter l'obscurité dans la chanson. » La première notation dans le cahier vert, hein, les notes et pensées de Sainte-Beuve viennent de ses cahiers, et comme souvent, il édulcore les expressions. Dans le cahier vert, on lisait, au lieu de « qui a de l'esprit sur son mérite »,« qui a plus d'esprit qu'il n'en a l'air ». Mais Sainte-Beuve s'est corrigé. Alors, de qui s'agit-il? Ben, il s'agit donc du duc de Breuil, grand libéral, hein, pair de France, qui a épousé Albertine de Staël, la fille de Madame de Staël, et qui est donc l'un des grands libéraux de la Restauration et de la monarchie de Juillet, défenseur de la liberté de la presse, lié aux doctrinaires Royer-Collard, Guizot, Barante, et, je le disais, ministre sous la monarchie de Juillet, de l'instruction publique, puis surtout des affaires étrangères de 32 à 36, et président du Conseil en 1835-1836. Et là, on retrouve ces étranges mélanges de cette période qu'on avait pu observer dans le cours que je faisais il y a 2 ans, quand on découvrait que tout ce monde se retrouvait à Sainte-Pélagie, et qu'à Sainte-Pélagie, en prison, les complicités se nouaient entre tous les milieux politiques. Ben oui, le duc de Breuil était familier de Béranger. Il était familier de Béranger alors qu'il a fait voter en 1819 la loi sur la répression des crimes et délits par la voix de la presse. Vous vous souvenez que j'ai beaucoup parlé de cette loi il y a 2 ans, la loi de 1819, puisque c'est la loi qui introduit la notion de diffamation dans le droit français. Avant 1819, il était question d'insultes. La loi introduit la diffamation, j'en ai parlé il y a 2 ans, parce que justement cette loi, eh bien, a été très peu appliquée. On ne portait pas plainte pour diffamation, on réglait les conflits d'honneur par des duels. Hein. Porter plainte pour diffamation, c'eût été humiliant. Donc, on réglait les conflits par le duel. Mais c'est le duc de Breuil qui a été rapporteur du projet de loi de 1819 sur la diffamation. Et vous vous souvenez qui sont les 2 premiers condamnés par, au titre de cette loi, c'est Courrier, et le second condamné, c'est Béranger. Et au procès de Béranger, dans les récits du procès de Béranger, le duc de Breuil est parmi les assistants en décembre 1821. Tout ça renvoie à mon cours d'il y a 2 ans, où Béranger occupe la cellule libérée par Courrier à Sainte-Pélagie. Et le duc de Breuil rend donc visite à Béranger à plusieurs reprises. Qui sont les autres partenaires de cette discussion intéressante qui a lieu autour du duc de Breuil sur Béranger? En voici une autre. Ce pauvre monsieur Rollin, avec sa grosse figure, est parti ce matin. Il est vraiment très bon enfant et très aimable à la campagne. Hier soir, il y a eu une discussion presque trop vive entre lui et M. Lebrun sur les chansons de Béranger. M. Rollin et ton père les attaquaient beaucoup. Qu'est-ce que c'est que cette lettre ? Ben, c'est une lettre de la duchesse de Breuil, née Albertine de Staël, à son fils, Albert de Breuil, donc le futur représentant de l'ordre moral, président du Conseil du 16 mai, qui sera donc moins libéral que son père. Et c'est une lettre du 3 août 1838, juste avant la mort de la duchesse. Donc ce pauvre monsieur Rollin, avec sa grosse figure, est parti ce matin. Il est vraiment très bon enfant. Et on a eu cette discussion sur Béranger. Vous voyez qu'on parle de Béranger, que les partenaires qui sont là, eh bien, ce sont de nouveau monsieur Lebrun, ce grand homme de tous les régimes, de la monarchie de Juillet et du Second Empire, et cet homme avec qui, ne l'oublions pas, le narrateur de La Recherche du Temps Perdu se compare. Dans le temps retrouvé, le narrateur dira qu'il est reçu chez les Guermantes comme M. Lebrun l'était chez les Breuil. Voici le passage, passage très intéressant. Si le nom d'Haussonville s'éteint avec le représentant actuel de cette maison, il tirera peut-être son illustration de descendre de Madame de Staël, alors qu'avant la Révolution, M. d'Haussonville, un des premiers seigneurs du royaume, tirait vanité auprès de M. de Breuil de ne pas connaître le père de Madame de Staël et de ne pas pouvoir plus le présenter que M. de Breuil ne pouvait le présenter lui-même, ne se doutant guère que leur fils épouserait un jour l'un la fille, l'autre la petite-fille de l'auteur de Corinne. Cette façon de raconter les tourbillons, les métamorphoses du monde. Je me rendais compte, d'après ce que me disait la duchesse de Guermantes, que j'aurais pu faire dans ce monde la figure d'homme élégant non titré, mais qu'on croit volontiers affilié de tout temps à l'aristocratie, que Swann y avait fait autrefois, et avant lui, M. Lebrun, M. Ampère, tous ces amis de la duchesse de Breuil, qui elle-même, au début, quand elle était Staël, était au début fort peu du grand monde. Magnifique tableau de ce kaléidoscope du monde. Et vous voyez que le narrateur se compare donc à ce Lebrun auprès des Guermantes. Merci. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le cours d'Antoine Compagnon, Proust essayiste. Aujourd'hui, à mon âge, on relit. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, la vidéo ainsi que l'ensemble des cours. Antoine Compagnon a édité aux éditions Gallimard « Sodome et Gomorre » dans la bibliothèque de la Pléiade et il a dirigé avec Nathalie Mauriac d'hier Du côté de chez Swann ou le cosmopolitisme du roman français en 2016 aux éditions Honoré Champion. Réalisation Anne de Pelchin. Présentation et coordination Meryl Meneghetti. Demain, Doudan ou les célibataires de l'art. Et dans quelques instants, nous plongeons dans une vie, une œuvre. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de France Culture.